Jusqu'à environ un an de décalage. Et je reviens maintenant, cochon rose. Dis encore n'importe quoi. J'ai enfin 3 enfants. Y'en a un qui est bleu, y'en a 3 qui est blanc. J'ai marché sur une maison. Elle s'est effondrée, je me suis rentré un cloi dans le cul. Faudrait dire un clou. Motherfucker, yeah. Je me suis trompé, j'ai dit n'importe quoi. C'est moi. Cocherons incorporés, let's go. J'ai enfin 3 enfants. Y'en a 2 qui est blanc, y'en a 3 qui est bleu. Est-ce que j'ai dit la même chose que tantôt? Je ne sais pas, parce que je dis n'importe quoi. Ça existe pas ce que je dis, merde. Yo. Yeah. You're a fucking freak. You're a fucking freak. I'm a fucking freak. You're a fucking freak. Why I'm talking English now? J'ai 3 enfants. Y'en a 2 qui est bleu. Y'en a 3 qui est noir. J'ai 3 enfants. Y'en a 2 qui est noir. Y'en a 3 qui est blanc. Let's go. Let's go. Let's go. Strong motherfucking yeah. Let's go. Je suis allé dans une maison où il y avait 3 enfants. Il y en avait 2 qui est blanc. Il y en avait 1 qui est jaune. J'ai décidé de peinturer car je me suis dit, il est vraiment laid, jaune, il est bleu, rouge, il est plus beau, orange, non, rouge, orange, je ne suis plus sûr, je sais pas quelle couleur est plus belle entre rouge et orange, dites-moi-le, merde, dites-moi-le, laissez-moi commenter. La look at the path, for a cuspatch fest, the camp from bridge fist, the pedal can't fash, the rap, the stairs, the path, the gritinet, the path, the gauche, the bisque, the air, the middle, what's that shit? C'était quoi cette langue, putain? Je sais pas, mais ça veut pas dire plus que deux choses que mes chemins fait de poteau restait. J'ai commencé à dire de quoi, mais j'ai fini, puis j'ai dit n'importe quoi. Mais ça donne la même affaire, parce que de toute façon, je dis n'importe quoi. Une langue qui existe même pas. J'ai créé ça tout d'un coup, et je vais l'appeler le Igor. Oui, c'est Igor, la langue que je venais. Oh, bah, c'est ma bobo que je vais poteau, allez, t'as qu'à. Et oui, et oui, et oui, let's go. Et finalement, what do I get to? But she did go from the gate. Go be stupid, get step back. Got a step and twist that for James Day cry. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Let's go, crunk, motherfucker, yeah, crunk. Let's go, motherfucker, yeah. Let's go, motherfucker, yeah. Let's go, crunk, motherfucker, yeah, crunk. Yeah, yeah, yeah. Je vais raconter une petite histoire, rapidement, qui m'est pas arrivée parce que je dis n'importe quoi anyway. L'autre jour, j'ai monté dans le ciel avec la main de ma grand-mère. Elle m'a poussé et m'a fait tomber en arrière d'un arbre.